Fermez les yeux et installez-vous confortablement. Il est préférable d'être en position assise, le dos droit, vos mains reposant naturellement sur vos cuisses. Cette position aide à résister à la tentation de s'endormir pendant la phase de relaxation. Débarrassez votre esprit de toute pensée perturbatrice, de tous vos soucis du moment. À présent, concentrez-vous sur vos pieds. Prenez conscience de ce qu'ils ressentent. Sentez vos orteils, la plante, puis le dessus de vos pieds. Évacuez toute tension de vos pieds. Déplacez votre attention sur vos mollets. De la même manière, prenez conscience de ce qu'ils ressentent et évacuez toute tension de leur musculature. À présent, concentrez-vous sur vos cuisses. Devenez conscient de ce qu'elles ressentent et relâchez leurs muscles. Maintenant, déplacez votre attention sur vos fesses et votre région génitale et relâchez tous les muscles de cette région. Relâchez votre abdomen et vos intestins. Le bas du dos, puis le haut du dos, évacuez toute tension de votre poitrine, relâchez vos épaules, vos bras, vos mains. Relâchez tous les muscles de votre cou. Relâchez vos mâchoires et votre bouche. Relâchez votre nez, vos yeux, vos joues, vos oreilles, votre cuir chevelu. Concentrez-vous sur le fait que votre corps est à présent complètement détendu. tenons tout d'abord à vous dire que les personnes sensibles pourront ressentir une énergie considérable, une énergie qui peut les étourdir un petit peu et leur occasionner, comme cela arrive parfois, un état légèrement nauséeux qui est dû à une élévation importante de votre taux vibratoire. Connectez-vous quelques instants au soleil. Visualisez le soleil, mais ne lui demandez rien. Soyez simplement ouvert à son énergie, à son amour. Vous allez l'entendre vivre, vous allez le ressentir. C'est la vie, c'est votre Père. Vous pourrez peut-être vous approcher un tout petit peu plus près de lui pour ressentir plus fortement sa puissance, et vous pourrez peut-être même percevoir son immense amour. Vivez cet instant, ressentez cet amour pendant quelques secondes. Ouvrez-lui en grand les portes de votre cœur, de votre centre émotionnel. Laissez-vous pénétrer par son rayonnement. Laissez-vous laver totalement par sa présence. Petit à petit, vous allez vous sentir comme transformé. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, comme si un grand poids vous avait été enlevé. Vous allez retrouver un cœur d'enfant. Vos soucis n'ont plus d'existence. Surtout, n'allez pas les rechercher. Recentrez-vous de temps en temps sur le soleil afin de bien ressentir ses effets sur votre corps, sur tous vos centres de force, vos chakras, mais surtout votre centre émotionnel. Sentez de plus en plus la perfection en vous. Sentez vos limites qui s'écartent de plus en plus. Vous commencez à comprendre que vous êtes sans limites. Que toutes les possibilités sont en vous. Maintenant que vous êtes dans cet état de paix, de sérénité, d'amour, vous allez projeter cet immense amour qui naît en vous, cet immense amour que vous avez reçu sur tous vos proches que vous désirez aider. Envoyez-leur la lumière du soleil et l'amour de votre cœur le plus pur. Projetez ensuite cette lumière et cet immense amour sur tous vos frères humains qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur. Maintenant, continuez à projeter cette lumière et cet immense amour sur tous vos frères humains. Vous faites partie de tous les êtres qui peuplent la Terre. Vous êtes tous reliés les uns aux autres par un fil d'argent, par un fil invisible mais réel, comme vous êtes reliés à tout ce qui vit sur ce monde ou ailleurs. Appelons cela la trame cosmique ou la trame universelle. Projetez enfin cette lumière et cet amour immense qui sont en vous, sur votre mère la Terre, et dans tout l'univers. À présent, créez mentalement le lieu où vous désireriez vivre, la maison que vous aimeriez habiter. Non une maison comme il en existe actuellement, mais la maison la plus belle possible. Entouré de fleurs. ensuite, créez mentalement la relation de fraternité totale que vous avez avec tous les êtres qui vous entourent. Créez le monde parfait dans lequel vous aimeriez vivre. Une planète telle que vous la désireriez. Une planète de beauté, de paix, de joie, d'amour. Une planète où le règne humain et tous les autres règnes vivent dans une entente merveilleuse et dans la sérénité. Maintenant, placez vos mains, paumes face au sol, et donnez le trop-plein d'énergie qui est en vous à votre mère, la Terre. Puisse cette paix, cette joie et cet amour être créés en permanence en vous, afin que vous puissiez les rayonner tout autour de vous, dans ce monde qui vous entoure et qui fait partie de vous. À présent, je vais compter de 1 jusqu'à 5. À 5, vous ouvrirez les yeux, vous serez parfaitement éveillé, en pleine forme et en parfaite santé. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes parfaitement éveillé, en pleine forme et en parfaite santé.